Dans mes rêves, je vois souvent un ciel tout bleu, une grève de sable blanc, de vagues bleues, et loin des villes, au ciel tout gris, où notre vie passe et s'ennuie. Je trouve une île où mon cœur lourd connaîtra un jour l'amour. Oui, je rêve qu'un grand amour m'est arrivé. Je me lève et puis je cours pour l'embrasser. Et d'un je t'aime et d'un baiser, il va changer tout mon passé. À l'instant même, mes peines me quittent à tout jamais. Le cœur au soleil, du soleil au cœur, cet amour jamais ne changera. Le cœur au soleil, du soleil au cœur, au matin mon rêve s'en va. Mais ce rêve qu'un grand amour m'est arrivé, je me lève et puis je cours pour l'embrasser. Et d'un je t'aime et d'un baiser, il va changer tout mon passé. À l'instant même, mes peines me quitte à tout jamais. Le cœur au soleil, du soleil au cœur, cet amour jamais ne changera. Le cœur au soleil, du soleil au cœur, sous le chaud soleil de Paris.